بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue avec l'explication et la lecture du livre تعظيم الصلاة, يعني le respect de la salat. Et Cheikh Abdel Razak ibn al-Badr, il dit ensuite dans l'introduction: وحري بكل مسلم أن يعني أن تعظم عنايته بهذه الفريضة التي هي صلته أو صلة بينه وبين ربه. Donc tout musulman doit faire des efforts pour respecter et donner de l'importance à cette obligation dans la religion de l'islam qui est la salat, parce que c'est le lien qu'il y a entre lui et son Seigneur. اهتماما بأركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك مما شرع الله فيها. Il doit donner de l'importance à ses piliers, à ses obligations, à ses conditions et à d'autres choses de ce que Allah a légiféré dans la salat. وأن يؤديها بغاية الخشوع والإحسان والطمأنينة ظاهرا وباطنا ليفوز بعظيم الثواب. Il dit qu'il établit sa salat avec يعني l'extrême, ou bien plutôt la plus grande humilité possible et la plus grande excellence dans l'adoration possible et la plus grande tranquillité et la plus grande sérénité dans sa prière en apparence et intérieurement, pour qu'il puisse avoir le succès d'obtenir la grande récompense de la salat. ففي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. Donc Othman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit, comme c'est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: il n'y a pas un musulman lorsqu'une prière obligatoire est arrivée ou est présente et qu'il fait bien son wudu et il a pris cette prière avec humilité dans son recours et accepter que ce sera une expiation pour lui pour tout ce qu'il a fait comme péché avant cette prière, et ça c'est tant qu'il n'a pas fait un grand péché, une kabira, et ça c'est pour tout le temps, c'est pas pour une période spécifique, c'est pour tout le temps que le musulman fait une prière obligatoire. Et bien s'il l'a fait comme il faut, avec concentration, humilité, et bien ça lui efface ses péchés précédents. Et il dit: wa fi hadhihi ar-risala yani jumlatun min al-mawa'iz wa an-nasa'ih bi sha'ni hadhihi al-ibadati al-jalila yani jullaha khutabun alqaytuha fi awqatin mutafawita fi yawm al-jum'ati al-mubarak 'ala ummati al-islam. Il dit: la plupart de ces chapitres dans le livre, ce sont en réalité des exhortations et des conseils au sujet de cette grande adoration, et la plupart d'entre ces rappels et de ces exhortations, c'était à la base des discours de la prière qu'on fait le vendredi, parce qu'il fait la khutbah dans une mosquée à Médine, le cheikh. Donc il a réuni ces différentes khutbahs qu'il a fait au sujet de la salat, et il les a mis dans ce livre-là. Il dit: وأضفت إليها بعض الفوائد الثمينة نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله. Il dit que il a rajouté à ses discours des points bénéfiques qui sont très précieux, des citations de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim رحمهم الله. وأرجو أن يكون من حوته ماضيا على نهج السلف الصالح من العناية أرجو أن يكون ما حوته أو ما احتوته ماضيا على نهج السلف الصالح من العناية بالصلاة والتذاكر لمكانتها وتعظيمها كما في صحيح البخاري. نعم، كما في صحيح البخاري عن الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكر المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يعني فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يعني تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوأم إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. Donc ça c'est le hadith en fait qui nous montre l'importance de la salat, et que regardez comment même à la période de la maladie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la maladie avant sa mort et que c'était l'heure de la prière, on a fait l'adhan et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il était malade, il a dit, ordonné à Abu Bakr, ou dites à Abu Bakr qu'il soit l'imam et qu'il dirige les gens dans la salat. Alors quelqu'un a dit que Abu Bakr est un homme yani sensible, quand il dirige la prière à ta place il n'est pas capable de prier avec les gens parce qu'il pleure trop. Alors il a répété encore une fois, ordonné à Abu Bakr de faire la salat, et ils ont dit encore la même excuse, et il a répété encore une troisième fois, dites à Abu Bakr de diriger la salat, et yani, on a répété encore une fois, ah, mais Abu Bakr, quand il récite la salat, quand il est imam à ta place, yani, il pleure trop, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il récite, et ainsi de suite. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à celle qui a dit ça, parce que c'était Aïcha radiallahu anha, il lui a dit: vous les femmes, vous êtes comme les compagnes de Youssouf, celles qui ont essayé de yani, faire des problèmes à Youssouf alayhi salam. Alors il a insisté, il a dit, ordonné à Abu Bakr qu'il fasse la salat, hein, et qu'il dirige les gens. Alors Abu Bakr est sorti et il a prié, et à ce moment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est senti un peu plus allégé, hein, il a senti qu'il était capable de sortir. Alors il est sorti appuyé entre deux, comme il y en a se tenant entre deux hommes, et ses pieds, c'est comme si quand il marchait il sentait la douleur dans ses pieds. Alors il s'appuyait sur deux hommes pour être capable de marcher. Puis quand Abu Bakr radiallahu anhu a vu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam approchait, il a voulu se reculer dans le rang, hein, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester à sa place, hein, de pas reculer, de rester à sa place. Alors il s'est assis à côté de Abu Bakr, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat, et Abu Bakr lui suivait la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les gens suivaient la salat de Abu Bakr. Alors parce que c'est ça qu'ils ont posé la question à l'Armash, et l'Armash a dit oui, c'est ça que les gens faisaient. Fasaqat radiyallahu anha في هذا المجلس المبارك القائم على تذاكر شأن الصلاة والمواظبة عليها وتعظيمها هذه القصة العظيمة المؤثرة للسيد ولد آدم وقدوة العالمين. عائشة رضي الله عنها a mentionné cet exemple durant le moment où on parlait de yani, l'assiduité à la salat et le respect de la salat et ainsi de suite. Et elle a mentionné donc cette grande histoire qui montre yani, en fait yani, l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le maître des fils d'Adam et l'exemple pour l'humanité. وكيف أنه في مرض وفاته عندما وجد من نفسه خفة يعني خرج إليها يهادى بين رجلين تخط رجلاه الأرض من الوجع معظما للصلاة ومحافظا عليها وفي هذا من التربية والتعليم بالقدوة ما لا يخفى. Donc il dit même, regardez comment pendant sa maladie il a trouvé un peu de comme il s'est senti un peu mieux, alors il est venu entre deux hommes et ses jambes il avait de la douleur dans ses jambes quand il marchait, et malgré tout il est venu par respect pour la salat et pour montrer la grandeur de son importance et de la respecter. Et il y a dans ça une éducation, un enseignement, un exemple, hein, ça c'est clair. Et il dit pour terminer, et il dit أسأل الله جل وعلا أن يعظم البركة أو يعظم البركة في هذه الرسالة ويجعلها لوجهه خالصة ولعباده نافعة كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويعمر قلوبهم بالتقوى ويصلح شأنهم كله ويمن على الجميع بالتوبة النصوح من جميع الذنوب ويوفقهم للعناية بالصلاة والتعظيم لها والاستقامة على شريعة الله عز وجل في جميع الأمور وأن يحفظهم من مكائد الأعداء إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Donc il termine par un dua et il dit on demande à Allah qu'il augmente ou qu'il fasse que la bénédiction de ce livre soit grand et qu'il fasse qu'il soit purement pour son visage et bénéfique pour les serviteurs. Et je demande à Allah également qu'il réforme l'état des musulmans, de tous les musulmans, et qu'il remplisse leur cœur de piété, et qu'il réforme toutes leurs affaires, et qu'il leur donne la faveur à tous de pouvoir se repentir d'une repentance sincère de tous les péchés, et qu'il leur donne le succès de donner de l'importance à la salat et de la respecter, et d'être droit et de s'accrocher fermement à la charia dans toutes les affaires, et qu'il soit préservé des ruses des ennemis. Il est certes l'audient, celui qui entend les invocations, et il est celui en qui on doit avoir l'espoir, et il nous suffit, et c'est le meilleur garant. Et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur, son messager, notre prophète et sa famille et ses compagnons. Donc ça vient conclure l'introduction. Puis le prochain sujet, c'est Faridatus Salat ala Jami' al-Nabiyyin, l'obligation de la prière pour tous les prophètes. Donc on lira ça la prochaine fois, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.